premier temps d'une nouvelle série de 4 émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'Afrique australe et donc à l'Afrique du Sud. Une série d'émissions conçues par Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury est rendue possible grâce au soutien du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français et de l'IFAS Recherche de Johannesburg. Demain, nous nous intéresserons à la fabrique de l'histoire nationale africaine en visitant le Voortrekker Monument avec justement 2 invités et Victor Massé de l'Épinay. Mercredi, nous nous poserons la question de savoir quelles ont été les positions de la France vis-à-vis de l'apartheid. Et jeudi, le documentaire tournera autour du procès de Rivonia qui, entre novembre 1963 et juin 1964, fut le procès de Nelson Mandela et de ses camarades de l'ANC qui furent condamnés à la prison à perpétuité. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire bien plus ancienne de l'Afrique australe avec François-Xavier Fauviel. Il est historien et archéologue, directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de l'Afrique et auteur notamment du Rhinocéros d'or, de la recherche du sauvage idéal. Et plus près encore de notre sujet de l'Afrique ancienne, il a coordonné de la au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle, l'Afrique ancienne, dans la collection Les Mondes Anciens chez Belin. Il va nous en parler dans un instant. François-Xavier Fauviel. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend une musique des Bushmen recueillie par la grande collection de musique du monde de Radio France Okora en Namibie. Une musique des Bushmen Juansi qui s'intitule Python. Et lorsqu'on entend ça, on ne sait pas très bien ce qu'on entend au bout du compte. D'abord, on entend mélodiquement différentes choses. On entend quelque chose de très polyphonique. Voilà, on entend également des paroles qui possèdent des sons très particuliers. Voilà, si on y a prêté attention, on entend des sortes de clappements qu'on appelle des clics, voilà, qui sont une figure, un trait linguistique tout à fait particulier, tout à fait propre à un ensemble, à une famille de langues qu'on appelle la famille des langues Khoisan et qui n'existe qu'en Afrique australe. Donc principalement le Botswana, un petit peu l'Afrique du Sud et puis les pays autour, la Namibie, le Zimbabwe, etc. Alors cette langue, par exemple, vous en parlez longuement dans l'ouvrage collectif donc que vous avez dirigé chez Belin. Cette langue est utile à l'historien de l'Afrique que vous êtes, et ces langues en général, parce que on fait maintenant de la paléolinguistique, on remonte dans le temps à travers justement ces langues qui sont pratiquées pour pouvoir peut-être découvrir des migrations, découvrir des changements de population là où nous n'avons pas d'archives matérielles. Oui, on peut. C'est l'un des défis auxquels fait face l'historienne ou l'historien de l'Afrique, c'est d'avoir à utiliser tout ce qui est présent comme document pour remonter dans le temps et en particulier les langues. Les langues sont des objets présents qu'on peut comparer les uns aux autres, dont on peut faire l'inventaire du lexique, l'inventaire des formes grammaticales, l'inventaire de la morphologie, la façon dont les mots sont construits, la façon dont les phrases sont construites, l'inventaire des sons de chaque langue. Et puis ensuite, en comparant ces différents traits linguistiques les uns avec les autres, on peut faire de la linguistique comparée, c'est-à-dire reconstruire des états de langue qui ont disparu. Exactement comme on reconstruit un château médiéval avec des pierres éparses, on peut reconstruire des langues qui ont disparu en retrouvant les briques de ces langues éparpillées dans le présent. Bon, et reconstruire ces langues, ça nous est très utile parce qu'on reconstruit en même temps des pans entiers d'une société. Voilà, c'est-à-dire que dans un vocabulaire, dans le vocabulaire vocabulaire d'une langue, il y a des mots du quotidien, il y a des mots qui désignent les animaux, qui désignent les plantes, qui désignent des actions, qui désignent des techniques, qui désignent des savoir-faire, et tout ça nous apprend des choses sur des sociétés qui ont disparu. Et parfois, ces mots disparus ont été empruntés par des populations qui sont venues après, qui avaient rencontré des sociétés aujourd'hui disparues. Et quelquefois, les mots ont survécu chez des sociétés qui ont recouvert, qui sont venues après d'autres sociétés. Bref, on peut faire une espèce d'arborescence, on peut reconstruire des états du passé grâce à la comparaison des langues. Par exemple, en s'interrogeant sur les termes qui tournent autour de l'élevage, des animaux, de la production animale, que ce soit le lait ou des sortes de fromages, etc. Tout cela, on peut, à partir de là, imaginer des circuits de populations qui ont été des circuits de populations nomades qui ont gagné le cône sud de l'Afrique tardivement. Absolument, c'est-à-dire que pour reconstruire, pour retrouver dans le passé les traces de ces sociétés pastoralistes qui ont, pour le dire de façon à peine caricaturale, qui ont tout abandonné en termes de mode de production, sinon la vache, pour investir sur la vache et pour faire de la vache le centre de leur société, le centre et le cœur de toutes les transactions économiques, politiques, juridiques, sociales, avec le monde des morts, etc. Pour retrouver la trace de ces sociétés-là, il faut être très attentif au vocabulaire lié à la vache. Voilà. On parle de civilisation de la vache, c'est ce qu'explique une des intervenantes de votre ouvrage collectif, pour parler de l'ensemble du continent africain, mais évidemment, cette vache, elle n'arrive pas au même moment dans toutes les régions d'Afrique, et en particulier dans cette Afrique australe, elle arrive relativement tardivement, bien après avoir été domestiquée dans la vallée du Nil, en Éthiopie, sur les hauts plateaux, etc., etc. Oui, parce que si une chose est sûre, c'est que la vache a probablement été domestiquée en dehors d'Afrique. Bon, même s'il existe encore une toute petite possibilité que l'auroch africain ait aussi été domestiqué, mais globalement la vache vient du nord, et par conséquent, là où on trouve de la vache en Afrique, au Kenya, avec les Maasai, en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique du Sud, chez les Khoikhoi, là où on trouve de la vache, elle est venue d'ailleurs. Bon, ce qui ne signifie pas forcément que les gens qui possèdent des vaches et qui élèvent des vaches sont eux aussi venus d'ailleurs, mais ça pointe précisément la question des processus de circulation de ces vaches à travers le continent. Et donc, tout l'enjeu de l'histoire de cette civilisation de la vache, c'est de retracer le parcours de ces vaches et de leurs éleveurs, des gens qui accompagnent ces vaches, à travers ce très très long périple, à travers quelques milliers de kilomètres à travers l'Afrique. D'autant que c'est compliqué par l'arrivée de ce qui n'est pas une vache, ou ce qui est une vache mais qui vient du sous-continent indien, par exemple, le zébu, et dont la propagation à l'intérieur du continent africain n'est pas la même que la propagation de la vache qui viendrait justement peut-être d'en dehors de l'Afrique, et surtout en tout cas du nord-est de l'Afrique en l'occurrence. Oui, parce qu'en effet, le zébu est une vache. Bon, avec des traits très particuliers, cette grande bosse et puis cette longue corne. Mais il y a eu des obstacles. Il y a des obstacles qui se mettent devant les historiens, devant les archéologues pour reconstruire ce passé. Et en particulier, la grande épidémie de la fin du 19e siècle qui a éliminé à peu près toutes les vaches du continent, dans certaines régions, 95%, 98% du cheptel. Bon. Et ce cheptel absent a été remplacé par des vaches à bosse introduites depuis l'Inde. Donc on a des obstacles qui se mettent devant nous, c'est normal, on est historien, ça sert à ça. Voilà. Et par conséquent, il faut surmonter ces obstacles-là. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que si on parle d'Afrique australe, les premiers découvreurs, entre guillemets, de l'Afrique, et en particulier les découvreurs portugais, vont se trouver face à des éleveurs. La première fois qu'ils voient des éleveurs sur le continent africain, c'est justement en Afrique australe, alors que ce que l'on sait aujourd'hui par ces travaux de paléogénomique, de linguistique, etc., c'est sûrement l'endroit où les éleveurs sont arrivés le plus tard dans le continent africain. Mais c'est là où les Européens vont découvrir les premiers éleveurs. C'est un très intéressant paradoxe, mais effectivement, l'Afrique australe, c'est un Finistère. Hein, c'est un bout du monde très très similaire de ce point de vue-là à ce qu'est l'Europe atlantique. Hein, là, bon, c'est un bout du monde où les différentes innovations préhistoriques et historiques viennent s'accumuler les unes après les autres sans avoir d'échappatoire. Bon, et l'Afrique australe, c'est la même chose. On observe toute une série d'innovations au cours de la préhistoire. On observe l'arrivée des moutons et des chèvres il y a 2500 ans, l'arrivée des vaches légèrement postérieurement, et puis ensuite l'arrivée des sociétés qui pratiquent la métallurgie du fer, là encore quelques siècles plus tard, et puis toutes ces sociétés-là, toutes ces innovations-là circulent, cohabitent à l'intérieur de cet espace qu'est l'Afrique australe. Ce qui fait de l'Afrique australe ce très intéressant patchwork, voilà, qui nous est un observatoire de la circulation et des métissages ou des processus d'acculturation, etc., qui sont intervenus tout au long de l'Afrique. Et donc, ces découvreurs de l'Afrique qui arrivent en Afrique australe aux alentours du 15e siècle, à la fin du 15e siècle, vers 1588, du côté justement de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Afrique du Sud, ils découvrent des populations d'éleveurs qui sont... Comment les appelle-t-on? Qui sont des Khoikhoi, bon, qui sont l'une des sociétés Khoisan dont on parlait tout à l'heure, qui parle des langues à clic, l'une de ces sociétés très diversifiées, hein. Il faut ouvrir une parenthèse ici pour dire que les langues Khoisan, c'est une famille linguistique, mais c'est une famille extrêmement diversifiée dont les différentes langues ne sont pas intercompréhensibles. Bon. Et parmi cette famille de langues Khoisan, l'un des groupes, les Khoikhoi, acquiert, il y a un ou deux millénaires, des vaches, et puis tout le vocabulaire qui va avec, et puis toute l'idéologie sociale qui va avec. Et ce sont ces gens-là que les Portugais rencontrent à la fin du 15e siècle, très surpris d'arriver au bout de l'Afrique, dans un climat qui, de façon très intéressante, est un climat totalement méditerranéen, voilà, donc qui ne départ pas complètement avec l'endroit d'où étaient partis les Portugais. Il y a des oliviers sauvages, enfin il y fait la même temps, il y a les mêmes saisons qu'en Méditerranée, et puis il y a des gens qui sont ces Khoikhoi, qui parlent une langue à clic, qui possèdent des vaches, qui est évidemment une aubaine pour les voyageurs. Le Cap de Bonne-Espérance, puisque c'est de ça qu'on parle, le Cap de Bonne-Espérance est exactement au milieu de cette route historiquement extrêmement importante, qui est la route qui relie, l'Europe occidentale et les Indes. Et par conséquent, pendant plusieurs siècles, à commencer par les Portugais, ensuite les Hollandais, tout le monde s'arrêtera là, au bout de l'Afrique, pour s'approvisionner. Avec ce que ça veut dire, avec deux conséquences. D'une part, une formidable épaisseur documentaire. On a beaucoup de textes qui se rapportent au Khoikhoi. Une destruction des sociétés. Un impact extrêmement fort, très très rapide sur ces sociétés-là qui en quelques décennies sont transformées, détruites, prolétarisées et puis finalement à peu près éliminées par les épidémies. Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement on a besoin de se ravitailler sur ce chemin des Indes. Donc on trouve des éleveurs et on trouve que le goût de leurs vaches est aussi bon que le goût des vaches que l'on peut trouver au Portugal, et donc puisque c'est à son goût, on va proposer à ces éleveurs d'en donner plus, mais au bout d'un certain temps, effectivement, on va épuiser les ressources que l'on trouve sur place. Oui, et puis donc il y a cette question de ponction sur les ressources qu'exercent les navigateurs européens sur la viande, bon, bien sûr, mais sur d'autres choses, hein, sur d'autres ressources du pays, le bois, etc. Bon, et cette pression sur les sociétés locales rentre en conflit très très violent avec avec la place qu'occupait la vache dans ces sociétés-là, qui était véritablement une place centrale, symboliquement centrale, socialement centrale dans ces sociétés-là. En réalité, chez les Khoikhoi, les vaches étaient très très peu consommées. Ça ne servait pas à ça. C'était une monnaie d'échange. Hein. C'était quelque chose qui circulait dans la société, entre tous les étages de la société, et ça n'était pas consommés, les Khoikhoi mangeaient principalement du mouton quand ils mangeaient de la viande. Par conséquent, voilà, on a là une illustration une extrême. Torsion, une torsion des usages. On a une torsion des usages et on la voit s'opérer parce qu'on a des archives, on a des textes d'abord portugais puis ensuite des archives hollandaises très précis sur ça et qui nous montrent bien les étapes de la destruction de ces sociétés-là au contact du choc colonial. Negria à 4 par l'ensemble vocal et l'orchestre de Jordi Savall, Hespérion 21, donc de Matteo Flecha l'Ancien, un titre du XVIe siècle, San Saveya Gugurumbe, donc qui évoque ces passages outre-mer, pourrait-on dire, du Portugal et de l'Espagne du XVIe siècle. Nous sommes avec vous, François-Xavier Fauvel, pour évoquer l'Afrique du Sud, l'Afrique australe ancienne, qui est au cœur, avec d'autres régions évidemment d'Afrique, parce que vous traitez toute l'Afrique dans l'Afrique ancienne chez Belin, au cœur de votre ouvrage. S'arrêtant au XVIIe siècle, s'arrêtant justement au moment de l'arrivée des Européens, puisqu'il s'agissait pour vous d'essayer de dire que l'Afrique avait une histoire, contrairement à ce qu'avait prétendu un de nos présidents dans un fameux discours à Dakar, et qu'il était possible de faire, je sais pas, 800 pages, 700 pages d'un gros livre sur cette Afrique ancienne jusqu'au XVIIe siècle, avant l'arrivée des Européens. Et sans les sources européennes. Voilà, c'est bien ça l'idée de couper le, d'arrêter le livre au XVIIe siècle, et non pas comme on aurait eu peut-être tendance à le faire à la fin du XIXe siècle. Et donc c'est bel et bien ça l'enjeu, c'est de montrer que l'Afrique a non seulement une histoire, mais l'Afrique a une documentation avec laquelle on peut travailler avant l'arrivée des Européens et avant que les sources européennes deviennent archi-majoritaires et deviennent l'outil principal de reconstruction du passé. Ce qui est passionnant dans cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, c'est de voir effectivement non seulement qu'il y a une histoire et même des histoires, et que justement vouloir unifier l'histoire de l'Afrique en un seul rameau serait complètement farfelu, puisque vous insistez collectivement tous sur la diversité, diversité des territoires, diversité des conditions climatiques, diversité des pratiques, et sur la simultanéité de ce que l'on a considéré comme étant, dans l'histoire européenne en particulier, des périodes historiques successives. Oui. Vous dites, en fait, on a toujours considéré que la néolithisation avait remplacé les chasseurs-cueilleurs, qu'ensuite il y avait eu la construction des cités, que les cités avaient propagé l'agriculture et l'urbanisme, et que la démocratie, etc., etc. Enfin bon, avec tout un tas de phases qui se succèdent, et vous dites, en fait, en Afrique, quand on regarde sur cette Afrique ancienne, il y a concomitance de tous ces régimes politiques, matrimoniaux, etc., etc. Oui, c'est tout à fait juste. C'est que vu depuis l'Europe, on aurait tendance à penser que ce passage d'une période préhistorique à historique à une autre, comme vous l'avez rappelé, le paléolithique suivi par le néolithique, suivi par les âges des métaux, suivi par les grands empires, est un processus inéluctable. Bon. Et universel. Et universel. Bon. Et or c'est là que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique nous livre deux leçons, si je puis dire. La première, c'est que ça n'a rien d'inéluctable, cet évolutionnisme n'a rien de naturel. En Afrique, il se passe tout à fait autre chose, et on voit tous ces processus survenir, on les voit se développer de différentes façons, mais ils n'effacent en aucun cas ce qui était là avant, ce qui explique en particulier, j'allais dire la survie, mais c'est pas la survie, c'est l'adaptation, la transformation des sociétés antérieures, leur juxtaposition et leur cohabitation. Et l'autre leçon, c'est que il est utile de penser l'histoire de l'Eurasie et l'histoire du monde depuis l'Afrique pour mesurer à quel point l'évolutionnisme n'est pas du tout la destinée naturelle des sociétés, mais peut-être une exception. Et c'est de ce point de vue-là que on peut à la fois s'intéresser à l'histoire de l'Afrique pour mettre au jour des singularités de trajectoire, et puis cette cohabitation qui reste ce grand phénomène historique à expliquer, mais aussi penser l'histoire depuis l'Afrique. Oui, alors ça c'est tout à fait passionnant, parce que vous nous expliquez qu'on ne sait pas pourquoi en Afrique des sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc que l'on considère dans l'évolution telle qu'elle a été écrite depuis le 19e siècle comme plus ancienne que des sociétés d'éleveurs pastoraux ou d'agriculteurs, se sont installées, ont vécu, ont cohabité en même temps, jusqu'à aujourd'hui, oui. Et en particulier dans cette Afrique australe avec ce qu'on appelle les Bushmen, avec des sociétés qui, théoriquement, auraient dû les éliminer. Oui. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Mais regardez l'Afrique australe, très bon exemple. Le Zimbabwe, royaume qui est au cœur de l'Afrique australe au 15e, 16e siècle, entouré de sociétés de chasseurs-cueilleurs dans le Kalahari. On sait que le royaume du Zimbabwe, ou en tout cas les principautés qui constituaient le Zimbabwe, commerçaient avec ces chasseurs-cueilleurs et s'approvisionnaient en plumes d'autruche ou en perles, etc. et puis les éleveurs cohabitent aussi dans le paysage. Cette situation-là, qui est celle de le 15e, 17e siècle, elle existe déjà avant pour celles et ceux de vos auditrices et auditeurs qui connaissent le rhinocéros de Mapungubwe, voilà ce royaume. Le fameux rhinocéros d'or qui avait donné le titre à cet ouvrage que de vous Mapungubwe, aviez publié. De Mapungubwe, royaume là aussi d'Afrique australe, on sait que ce royaume aussi commerçait et cohabitait avec des éleveurs, avec des chasseurs-cueilleurs dans son environnement. Par conséquent, vous voyez le défi que ça représente de ne pas penser que les chasseurs-cueilleurs sont plus anciens et puis en viennent ensuite les éleveurs et puis viennent ensuite les royaumes. Tous ces gens-là sont contemporains les uns des autres. C'est ça qui est intéressant en Afrique, c'est de voir la construction de cette contemporanéité des formes économiques, des formes sociales, des formes politiques, des formes matrimoniales, des formes d'organisation sociale, des formes de parenté et de comprendre leur cohabitation. Oui, vous dites en ouverture de cet ouvrage, donc l'Afrique ancienne chez Belin, qu'il faut conseiller à nos auditeurs, vous dites que être historien de l'Afrique, et de l'Afrique ancienne en particulier, c'est s'attendre à être surpris. Alors on sait que la surprise fait partie du métier d'historien, pourrait-on dire. Mais là, vous dites que non seulement il faut s'attendre à être surpris, mais il faut être amoureux des défis, expliquez-vous. Ouais. Parce que l'Afrique propose des défis à l'historien ou à l'historienne, parce que, évidemment, on est hors des schémas habituels. Même si on croit qu'il n'y a pas d'écriture, il y en a beaucoup, et vous les retracez dans le travail collectif que vous avez mené, François-Xavier Fauvel. Ces questions de paléolinguistique viennent au secours de ceux qui n'auraient pas de documentation. Ces questions de paléogénomique viennent au secours de ceux qui n'auraient pas de documentation. Et on sait qu'il y a des trésors à chercher, mais on ne sait pas très bien où les chercher parce que on a une coupure, pourrait-on dire, qui est la coupure liée à la colonisation occidentale, avec des traditions qui sont parfois retrouvées par accident. Oui, il faut relever, être historien ou historienne de l'Afrique, c'est ça, c'est relever ce défi, non pas de l'absence d'histoire, mais de la multiplicité des histoires, non pas de l'absence de la documentation, mais de la diversité et de l'hétérogénéité de la documentation, non pas de la rareté de l'écrit, mais de la multiplicité des formes d'écriture, avec des usages assez restreints dans chacune des sociétés qui les ont utilisés. Et relever tous ces défis-là, en effet, c'est un défi méthodologique, c'est un défi narratif aussi, parce que raconter une histoire avec des fragments, c'est faire un puzzle dont on ne connaît pas toutes les pièces et dont on n'est pas sûr qu'on a toutes les pièces sous la main. Et puis il faut accepter que ces pièces de puzzle ne sont pas forcément jointives. Absolument. Et donc il faut accepter le vide qu'il peut y avoir entre telle période dans tel espace géographique de l'Afrique et telle autre période, 200 ans, 500 ans, 1000 ans plus tard, dans ce même espace géographique ou dans un espace voisin. Oui, il faut accepter ces vides, il faut accepter ces collages entre les différentes pièces du puzzle. J'avais pris dans le rhinocéros d'or l'image du vitrail, c'est-à-dire qui tente de coller les uns aux autres, de réconcilier des fragments, mais sans mentir non plus aux lectrices au lecteur et en disant bien, regardez, là c'est le collage. Bon, là c'est le plomb que je laisse apparent pour vous montrer ce que je ne sais pas. Bon, et c'est vrai dans toutes les dimensions de l'histoire ancienne de l'Afrique, il faut accepter qu'un vestige archéologique ne parle pas la même langue qu'un récit, même quand il nous parle du même lieu. Bon, et il ne parle pas la même langue, il ne nous parle pas de la même chose, il ne nous parle pas du même point de vue, il ne nous parle pas non plus de la même temporalité, et ça se colle pas très très bien. Et ça c'est fort intéressant, puisqu'on sait très bien les débats qu'il y a dans nos histoires nationales, avec faut-il apprendre une frise chronologique pour pouvoir justement recaler les événements les uns derrière les autres. Et vous dites là, en fait, pour l'histoire de l'Afrique, aucune frise chronologique ne peut récapituler une trajectoire commune ou convergente des sociétés dans leur diversité, parce que c'est leur diversité qui... Oui, et c'est pas faute d'avoir essayé. On s'est posé la question dans ce livre-là. Peut-on essayer, comme pour n'importe quel autre volume de la collection, comme n'importe quel autre ouvrage sur d'autres régions du monde, de ramener tout ça à la forme d'une frise? Bah, c'est tout simplement impossible. Mais acceptons-le. C'est-à-dire que la diversité des trajectoires historiques de l'Afrique, où en même temps peuvent cohabiter plusieurs, au Moyen-Âge par exemple, plusieurs grands royaumes, et en même temps des sociétés d'éleveurs qui percolent à travers ces royaumes, et puis en même temps des chasseurs-cueilleurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont là pendant et qui sont là encore après, n'ont pas, non pas isolés les uns des autres, mais s'interpénétrant et puis échangeant les uns avec les autres et puis se transformant mutuellement. C'est cette diversité, cette multiplicité là, cette plurivocalité là qui est intéressante en histoire de l'Afrique. Voilà, imaginons quelqu'un qui ne retrouverait que cet enregistrement de celui qui s'est appelé d'abord Adolf Johannes Brandt, c'était son nom de jeunesse, d'enfance, de baptême. Ensuite, Dollar Brand, c'était son premier pseudonyme, et ensuite Abdoulaye Ibrahim, né au Cap, en Afrique du Sud. Voilà, trois identités différentes pour un même personnage, et ça devient très complexe à partir de ce moment-là. Ça devient très complexe, cet empilement de références. De références est une assez bonne illustration de ce que fait aux sociétés cette situation de cohabitation et de métissage. Ça fabrique aussi de l'identité, et c'est avec ça que les historiennes et historiens travaillent. Alors, si on prend un exemple qui est cité et sur lequel vous avez déjà longuement travaillé avec d'autres, de l'art pariétal. Alors voilà, on se retrouve avec des grottes ornées, des panneaux dont on peut penser parfois, pourquoi pas, ça serait pas moins 20 000, ça serait pas moins 10 000, moins 5 000, alors on ne sait pas. Et puis, on commence à analyser, on regarde, et puis quand vous travaillez sur Crystal Cave, par exemple, vous apercevez que les panneaux ornés datent de quelle période? Du début du 19e siècle. De notre ère. De notre ère, absolument. Non, mais parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait là au début du 19e siècle encore des gens qui pratiquaient cette forme d'art. Voilà, et non pas que tout soit forcément récent, parce qu'on sait qu'il y a eu dans le Drakensberg, ce grand massif montagneux, la montagne du Dragon, en plein milieu de l'Afrique du Sud. Voilà, il y a des panneaux peints qui datent de beaucoup plus longtemps que ça. La surprise a été effectivement, en en faisant l'étude avec mes collègues François Bon et Jean-Loïc Lequelec, en additionnant nos compétences autour de ce panneau, en allant chercher toutes les archives qui s'y rapportaient, parce qu'on n'était pas les premiers à le voir, en faisant un relevé de la paroi, en faisant une édition critique de cette image, exactement comme on peut faire une édition critique d'un manuscrit, en transformant en quelque sorte cette image en un document historique, on a pu en reconstruire toute l'histoire de ce document lui-même, et puis en faire une analyse visuel, bon, montrer que le troupeau de vaches qui est chassé devant lui par des gens qui ont l'air d'être des koïsans avec avec des arcs et puis des bâtons, poursuivis eux-mêmes par des personnages plus grands, plus noirs de peau, qui ont des boucliers, etc. On a pu comprendre que ce troupeau n'avait pas été un troupeau volé par les koïsans aux personnages qui viennent derrière, mais qu'il appartenait probablement à ces gens qui tentaient de protéger leur troupeau devant eux. Et puis en poursuivant l'étude, en étudiant les boucliers, la forme des boucliers, en comparant ces boucliers avec ceux qu'on connaissait aux époques historiques, en observant que le troupeau était organisé avec une vache de tête qui conduisait, bon, on a pu comprendre, on a pu dater cet événement assez près, à quelques années près, et montrer qu'en fait, il s'inscrivait dans cette période qu'on appelle le Mfekane, qui est le grand chambardement que connaît l'Afrique du Sud vers le premier tiers ou le milieu du 19e siècle, ce moment où des grands empires africains, leur empire Zoulou en particulier, se confrontent avec la grande migration des Afrikaners. Dont on parlera demain avec... Il y a un grand écrasement des sociétés, c'est ça que signifie Mfekane ou Difikane. C'est ce grand écrasement des sociétés qui se produit à ce moment-là en Afrique du Sud. Oui, alors, ce qui est passionnant, c'est que vous expliquez que l'Afrique a toujours été considérée comme un berceau. Et donc on veut y voir les origines et que on veut y voir les origines de l'humanité avec l'Homo sapiens qui sort d'Afrique, on veut y voir les origines de tout un tas de questions qui sont anthropologiques et qu'au bout du compte, eh bien cela nous brouille la vue. Oui. Et que lorsqu'on voit un panneau que vous finissez par dater avec d'autres du début du 19e siècle, on serait tenté à le faire remonter justement à des origines, parce que tout compte fait, ces panneaux nous font penser à Lascaux, à Altamira, et pourquoi pas. Et au bout du compte, on se dit, c'est beaucoup plus ancien que ce que ça n'est. Et cela, ça nous trouble, ouais. Les historiennes et les historiens. Oui, il y a quelque chose de charmant et de bienveillant à vouloir parler de berceau en Afrique. Voilà, rappeler que l'Afrique a été le berceau des hominines, des hominidés, de l'homme moderne, et de toute une série de processus postérieurs. Mais derrière ce terme de berceau, qui, notez-le bien, nous sert quand même de mythologie contemporaine. Il y a derrière cette idéologie du berceau, il y a aussi un récit qui occulte l'historicité. Dire que l'Afrique a été, rappeler que l'Afrique a été le berceau de l'homme moderne, ce que nous sommes tous aujourd'hui sur Terre. Cet homme moderne qui est né il y a 200 000 ans, 150 000 ans. Comme si cet homme moderne était ensuite sorti d'Afrique pour aller peupler le reste du monde, comme si c'était ça qui rendait intéressante l'histoire des autres régions du monde, en oubliant au passage que l'homme moderne est aussi resté en Afrique, il a aussi fait des choses. C'est ça qu'on a voulu rappeler à chaque moment dans ce livre, le berceau qui a une histoire propre, qui est une histoire singulière, qui est une histoire intéressante, ce berceau à roulettes qu'on retrouve un petit peu partout, qui est un défi méthodologique aussi. N'oublions pas que ce berceau n'a pas servi qu'à fournir de l'humanité, de la modernité, de la civilisation au reste du monde. Il s'y est encore passé des choses sur ce continent depuis qu'il a servi de berceau. Alors, ce qui est fort intéressant aussi, c'est que on a bien compris en vous écoutant depuis le début de cette émission, François-Xavier Fauvel, c'est que c'est un défi méthodologique que de travailler sur l'histoire ancienne de l'Afrique, et c'est un défi qui nécessite d'avoir des équipes pluridisciplinaire. On parle toujours de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité quand on parle en histoire. Parfois, on en parle plus qu'on le fait véritablement. Et là, dans cet ouvrage collectif, il y a donc des linguistes, des naturalistes, il y a des historiens, des historiennes, des historiennes de l'art. Il est nécessaire de prendre la possibilité du savoir sous toutes ses formes pour pouvoir arriver sinon à une vérité, à une approximation donc de la vérité dans chacun des espaces géographiques dont on parle en Afrique. Oui, la pluridisciplinarité, vous avez raison d'y faire une subtile allusion, c'est souvent une incantation de laboratoire ou de séminaire. Mais ça permet aussi d'avoir des fonds. Ça permet d'avoir aussi des financements. En histoire africaine, c'est un peu plus que ça. C'est une prise de risque. C'est les conditions sous lesquelles on fait de la recherche, en particulier sur le terrain. terrain lorsqu'on monte des équipes internationales et voilà et qui font appel à des compétences différentes et des compétences qui doivent être immédiatement mobilisables, qui n'ont pas le temps de voir si on le fera plus tard. Bon, qui doivent être immédiatement mobilisables sur le terrain parce qu'on a besoin sur le terrain qu'on fasse de l'archéologie ou quel que soit l'objet du terrain, on a besoin d'avoir des lectures différentes d'un même paysage et l'archéologue, le spécialiste de la céramique, le spécialiste des systèmes agraires, le géomorphologue, l'historienne de l'art ne voit pas les mêmes choses dans ce paysage-là. Et par conséquent, la pluridisciplinarité est une obligation de terrain. C'est aussi un test. C'est aussi un test parce que le terrain, comme partout, c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai partout, est un véritable défi aux relations interpersonnelles entre les chercheurs, etc. La pluridisciplinarité, pour moi, c'est pas simplement une incantation, c'est quelque chose qui a véritablement à voir avec la connivence, l'amitié intellectuelle. Voilà, ça forge et met au défi les amitiés intellectuelles parce qu'il faut être capable sur le terrain de faire confiance à la compétence de l'autre et de savoir exactement où s'arrêtent vos propres compétences. Ça implique de très très bien se connaître et de très très bien connaître les autres. Et si ça n'est pas vrai au début, c'est vrai à la fin. Et cela pour l'Afrique australe et l'Afrique du Sud en particulier, dont on va parler toute cette semaine, c'est d'autant plus vrai que, comme vous l'avez expliqué depuis le début, c'est le cône, le Finistère, oui, pourrait-on dire, de cette histoire de l'Afrique. Parfois, on a des découvertes qui sont plus tardives dans cet espace-là, même si tout compte fait, pour des raisons aussi de développement économique, eh bien, on a plus de sites, parfois, en Afrique du Sud, en Afrique australe, que dans d'autres parties de l'Afrique. Néanmoins, ça nécessite justement d'avoir une très bonne compétence de ce que sont les autres régions d'Afrique, puisque une partie de ceux qui arrivent dans ce Finistère viennent d'ailleurs. Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que effectivement le fait qu'il y ait eu des trajectoires, non seulement des trajectoires historiques différentes dans différentes régions d'Afrique, mais des trajectoires géographiques à travers le continent, notamment cette mobilité des sociétés pastorales, implique ou exige que l'archéologue ou la spécialiste de la génétique animale ou l'historienne de l'art, une fois de plus, ou le linguiste comparé, ait des connaissances qui soient proprement panafricaines. Bon. Parce que, en effet, vous allez retrouver des témoins de telles pratiques, vous allez retrouver chez les Khoikhoi, voilà, des témoins linguistiques, des vestiges linguistiques qui viennent d'ailleurs. Et vous allez retrouver des plantes qui viennent d'ailleurs et des animaux qui viennent d'ailleurs. On va même retrouver la lactase persistante. Absolument. Chez certains d'entre eux, qu'est-ce que la lactase persistante? C'est un gène qui code la production d'une enzyme, laquelle continue à détruire une enzyme du lait. C'est que tous les enfants digèrent le lait, mais devenant adultes, on ne le digère plus. Bon. Sauf chez certaines populations où on continue à retrouver la production de cette enzyme. Il y a là un vestige qui est présent à des proportions différentes chez toutes les sociétés de la Terre, mais qui appartient en propre à des sociétés hautement pastoralistes, dont la diète alimentaire a été basée depuis des millénaires sur le lait. Bon. Et donc, en traçant ce gène-là, on est capable de montrer la circulation, de mettre en évidence des circulations de sociétés pastorales à travers le monde. Et on en trouve en Afrique australe qui viennent d'un peu plus haut, du côté des Grands Lacs en particulier. Absolument, c'est l'un des indices qu'on retrouve chez les Khoikhoi qui montre qu'en dépit du fait qu'ils parlent des langues Khoisan, qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui sont parlées en Afrique orientale, il y a eu autre chose que simplement le transport de vaches. Voilà, il y a eu aussi des échanges biologiques entre ces sociétés. On est obligé de s'intéresser aussi à la présence de la mouche tsetse, la façon dont le bétail est sensible, si c'est un mouton ou si c'est une chèvre, moins sensible que si c'est un bœuf ou une vache à cette mouche tsetse. Et donc, à partir de ce moment-là, imaginez l'émigration de ces troupeaux passant par des endroits où, justement, cette mouche tsetse est moins fréquente qu'ailleurs. Absolument, mais s'intéresser aussi aux transformations du paysage, parce que ces corridors qui peuvent avoir existé à un moment donné sur des hauts plateaux ou sur des zones côtières, etc., ont été très sensibles aux changements de climat survenu depuis 20 000 ans en Afrique, beaucoup plus accentué qu'ailleurs, parce que la topographie ou l'orographie ou la différence des zones écologiques en Afrique est beaucoup plus accentuée que sur d'autres continents, et par conséquent, un degré de différence ou un peu d'humidité en plus et en moins fait beaucoup changer les lignes écologiques et donc déplace les espaces qui sont appropriables par les sociétés. Alors, vous êtes, je l'ai dit, vous avez longtemps travaillé sur l'Afrique du Sud, mais vous avez un terrain de fouille dans le nord-ouest de l'Afrique, à Sigil-Massa. Vous avez aussi des terrains de fouille, et vous en revenez du côté de l'Éthiopie. Qu'est-ce que cette connaissance de trois parties, au moins, de cette Afrique nourrit de votre connaissance de chacun de ces sites, d'une certaine façon, et de votre vision, François-Xavier Fauvel, de cette diversité que vous mettez au cœur de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé chez Belin? Alors, dans mon cas très particulier, et c'est ce que m'a appris mon propre parcours à travers différentes régions d'Afrique, c'est véritablement apercevoir les points communs très très forts qui existaient entre des régions qui pourtant n'ont rien à voir au point de vue culturel, au point de vue linguistique, etc. Et c'est ce qui m'a aidé à construire cette notion de Moyen-Âge africain qui est en quelque sorte ce moment qui dure 7 ou 8 siècles dans lequel différentes régions d'Afrique qui ne se connaissent pas mutuellement et qui n'ont pas elles-mêmes d'interaction les unes avec les autres se retrouvent actrices de processus globaux, de mise en circulation de biens et de marchandises, d'idéologies, de nouvelles religions, l'islam en particulier, de connexion avec l'ensemble de ce monde islamique médiéval qui fournit aussi, qui permet à de la porcelaine chinoise de se retrouver aussi bien à Mapungubwe qu'en Éthiopie, qui permet à du verre produit à Byzance ou au Caire de se retrouver aussi bien en Éthiopie qu'au Maroc, d'échanger des girafes avec la Chine. Oui, exactement, ou d'envoyer des girafes en Chine ou à Byzance, alors qu'évidemment le souverain de Malindi au Kenya, ou le souverain chrétien de Nubie au Soudan ne se sont pas concertés pour envoyer des girafes. Mais voilà, il y a cette mise en connexion de l'Afrique qui une fois de plus permet à la fois de penser l'histoire de l'Afrique, mais qui permet aussi de compléter notre réflexion sur l'histoire du monde depuis l'Afrique. Et cela, ça permet quoi? Ça permet à l'historien que vous êtes et aux historiens qui travaillent sur cette Afrique de l'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire globale, l'histoire connectée, de ne pas la mettre à l'écart du chemin avant l'arrivée des Européens, sachant qu'effectivement, comme on le dit, cette côte en particulier orientale de l'Afrique a été en relation permanente depuis de très nombreux siècles, avec l'Inde, le sous-continent indien, et peut-être parfois même jusqu'à l'Indonésie, et peut-être même encore plus loin, puisque les populations de Madagascar viennent sûrement de l'Austronésie ou de ces régions-là. Absolument, on observe dans différents chapitres de ce livre, on observe ces connexions à différentes époques entre différentes régions d'Afrique et différentes régions du monde. Ces connexions qui n'ont pas toujours été les mêmes, qui n'ont pas toujours été de même nature, qui n'ont pas toujours mobilisé les mêmes actrices et acteurs, qui n'ont pas pris les mêmes formes, qui n'ont pas déplacé les mêmes objets ou les mêmes sociétés. Mais néanmoins, l'Afrique a toujours été, ou des régions d'Afrique ont toujours été connectées avec d'autres régions du monde. En d'autres termes, l'Afrique a toujours a toujours déjà été là, bon, toujours déjà participé aux grandes évolutions, aux grandes innovations culturelles et aux grands processus de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, il y a effectivement un plaidoyer qui est dans ce livre, et puis dans le travail des différentes contributrices et contributeurs qui y sont réunis dedans. Il y a effectivement un plaidoyer qui est de rendre l'histoire de l'Afrique disponible pour la conversation culturelle et intellectuelle d'aujourd'hui, mais qui est aussi de faire comprendre que l'histoire de l'Afrique était déjà là, et que le Mali était déjà là au XIVe siècle. Ça n'est pas une innovation. Bon, mon métier d'historien, s'il implique une innovation, il est de nous rappeler que l'Afrique n'était pas si neuve que ça au XIVe siècle, et que le roi Moussa faisait partie des grandes figures politiques du XIVe siècle que connaissaient très très bien les chroniqueurs arabes et les cartographes juifs de Majorque et les souverains de l'Europe chrétienne. Oui, et ces routes en particulier de l'Afrique, c'était des routes qui étaient parcourues en tous sens depuis longtemps et évidemment qu'on ne fait que découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Elles ont été en partie oubliées parce que simplement les traditions se sont perdues, François-Xavier Fauvel. Oui, alors ça c'est vrai que là vous touchez du doigt une autre question qui est pourquoi cette déperdition d'histoire. Bon, et il y a à ça sans doute beaucoup de raisons. Il y a peut-être deux grandes raisons. D'abord une raison idéologique, c'est que la traite des esclaves qui a débuté à partir de la fin du XVe siècle, La traite occidentale des esclaves et qui s'est accrue ensuite au XVIIe qui a pris des proportions absolument industrielles à partir au 18e et au 19e siècle, s'est accompagné d'une idéologie d'accompagnement, une idéologie qui servait à rendre justifiable et acceptable cette traite-là. Et cette idéologie, elle posait comme principe l'absence de singularité de ces individus. Bon. Et par conséquent, l'absence d'histoire de ces individus. Ils n'appartenaient à rien, puisque de toute façon, nous allions les couper de toute forme d'appartenance, politique, sociale, linguistique, personnelle, familiale, etc. Ils n'appartenaient à rien. Et l'absence d'histoire à laquelle nous continuons à croire en Afrique vient de là en grande partie. Puis il y a autre chose aussi. C'est qu'on observe à partir de la fin du Moyen-Âge, on observe, c'est ça aussi l'un des bénéfices d'avoir une vision un petit peu polyphonique de l'histoire africaine, on observe que de grands changements s'opèrent à l'échelle géopolitique de l'Afrique. Beaucoup de royaumes africains des 14e, 15e siècles disparaissent. Et puis de nouvelles forces politiques émergent plus près des côtes, plus près des nouveaux partenaires européens qui s'inscrivent dorénavant dans le paysage. Des villes sont abandonnées et d'autres émergent. De nouvelles sociétés deviennent actrices de l'histoire, alors que d'autres passent un peu dans l'ombre. Là, il se passe des choses. Il y a une échelle géopolitique qui s'accompagne aussi, voilà, de la disparition de certains sites au point qu'il arrive des choses dont il faut quand même mesurer l'étrangeté, la disparition par exemple de la capitale du Mali, grande cité marchande du 14e siècle et dont on n'est pas capable de dire où elle se situe. Bon, et c'est pas le seul exemple. Vous savez, moi-même avec quelques collègues, nous avons retrouvé il y a quelques années des villes musulmanes en Éthiopie qui avaient elles aussi été oubliées. Et là, cet oubli n'a pas à voir avec un désintérêt des sociétés africaines pour leur histoire, ça n'a pas à voir avec ça, ça a à voir avec les choix qu'avaient fait les sociétés médiévales d'aller implanter ces villes, leur capitale, dans des endroits, sur des seuils écologiques. Bon. Et tels que l'escarpement de la vallée du Rift, tels que la bordure du désert, ou tels que les rives de l'océan Indien. Bon. Et sitôt abandonnées, ces villes ne sont pas restées dans le paysage comme elles le seraient restées si elles avaient été mises dans une plaine fluviale en France. Ces villes ont été reconquises par la nature, reconquises par les sables, reconquises par les limons, reconquises par la mangrove. Bon. Et très très vite oubliées et perdues. Et cela, ça veut dire que quand on est historien de l'Afrique comme vous et archéologue, il y a un grand espoir. Oui. Ah oui, c'est-à-dire que on sait peu de choses, vous nous l'avez dit, on sait des choses, mais on sait peu de choses. Ça nécessite la concomitance de plusieurs modes de raisonnement ensemble pour pouvoir refaire l'histoire ancienne de l'Afrique. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Il faut être très modeste devant la documentation qui est la nôtre et ne pas partir du principe qu'elle est complète. On a plutôt dans cette émission déjà parlé de ce puzzle incomplet dont on n'est pas sûr d'avoir toutes les pièces, dont on n'est pas sûr de savoir où sont les bords non plus du cadre sur lequel on pose les pièces. Mais aussi très optimiste. C'est un métier très optimiste, celui d'être historienne et historien de l'Afrique. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver. On sait qu'il y a encore beaucoup de sites archéologiques à trouver. On le sait parce qu'on a des voyageurs arabes qui parcourent l'Afrique tout au long des des siècles et qui nous mentionne des villes, des capitales, etc. etc. Bon, et ces villes et ces capitales, on n'est pas capable de les mettre sur une carte encore. On sait qu'elles existent, on sait qu'on va les trouver. Et donc voilà, soyons très... et c'est vrai de l'archéologie, mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres disciplines qu'on mobilise pour faire de l'histoire d'Afrique. Soyons optimistes. Modeste et dans l'espérance. Exactement. Merci beaucoup François-Xavier Fauvel. Je rappelle que vous avez, outre le rhinocéros d'or, outre d'autres ouvrages en particulier consacrés au Khoikhoi, à la recherche du sauvage idéal, c'était il y a 2 ans, vous avez coordonné chez Belin ce très beau travail collectif qui s'intitule « De l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 ans avant notre ère, 17e siècle, l'Afrique ancienne » dans l'excellente collection dirigée par Joël Cornette, la collection des mondes anciens. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Jacques Hubert nous a accompagnés à la technique aujourd'hui et Anne Fleury était à la réalisation de cette émission. Demain, nous continuerons notre histoire de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe en nous intéressant demain au monument au Voortrekker. Donc, nous allons raconter comment s'est fabriquée l'histoire nationale africanaire. Mercredi, aux relations de la France avec le pays de l'apartheid. Et jeudi, aux archives du procès de Rivonia. Le procès de Rivonia qui avait condamné 7 camarades et Nelson Mandela de l'ANC, donc, à la prison à perpétuité. C'était en 1963-1964.